Les masses médias de divers pays et régions ont traité spécialement le premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Le journal Tomskaya Nijeli et la revue internet Lemchichi de Russie et la homepage internet du Forum allemand anti-impérialiste ont présenté avec sa photo ses exploits accomplis dans la direction de Sun-gun et sa noble conception sur la postérité. Le journal Nigerian Observer, les pages internet du Comité national nigérien d'études du kim-il-sunisme, kim-jong-ilisme, du Comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique, du Comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour la province de Novosibirsk et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien, ont inséré les écrits à l'éloge des nobles qualités de grand homme du dirigeant suprême Kim Jong-un.